Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Les Lectures érotiques de Charlie, le podcast consacré à la littérature érotique. Et cette semaine, je vais vous lire un extrait d'un recueil de nouvelles de Perle Valence qui s'appelle Fin. Fin, c'est un recueil qui comprend trois récits érotiques qui ont pour particularité de mêler sexe et nourriture ou cuisine. Alors là, quand Perle Valence m'a proposé de m'envoyer son recueil de nouvelles, j'ai dit mais oui, carrément, parce que si vous voulez, la sexualité et la nourriture, c'est un petit peu mes deux passions dans la vie. Non, c'est vrai, la nourriture, c'est magique, je suis d'une gourmandise invétérée, c'est d'ailleurs pas pour rien que j'ai passé un CAP cuisine et un CAP pâtisserie. C'est parce que quand même, je trouve que la créativité est infinie en termes de nourriture. Et la créativité est infinie aussi en termes de sexualité. Donc, voici les thématiques qui composent le recueil de nouvelles de Perle Valence qui s'appelle Fin. C'est un recueil qui est publié aux éditions Christophe Chaumont Éditions. L'objet en soi est très joli, un livre rodin rouge flamboyant, c'est magnifique. Vous avez tous les liens pour vous offrir le livre sur l'article qui présente cette lecture. Ça, c'est sur mon site, bien évidemment, charlie-liveshow.com. Je trouve que sur les trois nouvelles qui composent ce recueil, celle qui pour moi arrive le mieux à sublimer érotisme et nourriture, c'est celle dont je vais vous lire un extrait qui s'appelle « La femme chocolat ». Voici donc un extrait d'une nouvelle qui s'appelle « La femme chocolat ». C'est dans le recueil de Perle Valence qui s'appelle « Fin ». Emma ne pensait pas que ce serait aussi difficile de tenir le rythme. 20 jours déjà, et elle est épuisée. Elle ne parvient pas à récupérer. Elle passe les week-ends à dormir et traîner sur son lit. Elle ne sait pas comment font les autres pour tenir. La passion n'explique pas tout, si ? Elle aimerait en être sûre. Elle joue son avenir professionnel sur cet engagement intense et presque charnel, physique en tout cas. Elle ne quitte pas le service avant 1h du matin et rentre à pied. Heureusement, elle n'habite pas très loin. Elle n'a pas vraiment voulu cette place. Le bouche à oreille a fait son œuvre. Elle s'est laissée choisir au sortir de ses études et de ses stages de formation. Entre découragement et enthousiasme, fatigue et sursaut d'énergie, elle ne sait plus trop où elle en est. Elle se sent perdue. Elle n'éprouve pourtant aucune lassitude. Elle est consciencieuse, discrète, rapide, précise. Le chef a l'air satisfait de son travail et le reste de la brigade semble l'avoir bien intégré. C'est juste qu'elle est crevée en permanence. Elle adore cuisiner. Elle a toujours aimé ça. Mais elle commence à douter. Est-elle apte à en faire son métier? Sur la distance, sa vie durant. Elle s'est confiée à Benoît, le second, qui la suit de plus près. Il a charge d'âme avec elle, petite chose fragile. En tant que commis, elle est attachée à différents postes, mais plus particulièrement au sien. Sur une petite brigade de moins de 10 personnes, le chef de partie chaud est un rôle crucial auquel s'ajoute le volet managérial. En l'occurrence, elle consiste dans le fait de cajoler les jeunettes qui arrivent en tant que commis de cuisine. Il a su la rassurer, trouver les mots justes. L'organisme doit s'habituer aux cadences particulières qu'impose la cuisine. C'est juste une question de temps. Petit bout de femme dans un groupe essentiellement masculin, elle voit bien que les choses n'ont pas vraiment changé. Il y a dans ce métier toujours aussi peu d'éléments féminins. Elles se font dans le paysage, menues, androgynes, cheveux mi-longs relevés en chignon, jean basket. Sa féminité réside davantage dans l'ovale doux de son visage et dans ses yeux encadrés de longs cils. Benoît semble apprécier ce physique fluide de tiges minces et droites, de roseau gracile qui donne envie de la protéger. Et sans doute aussi son côté garçon manqué. Il a eu l'air de s'intéresser à elle dès son arrivée, sans doute pour d'autres raisons, ce qui ne lui déplaît pas. Il est doté d'une grande patience et d'une bonne écoute. Mais il n'est pas que ça. Elle a trouvé en lui un mentor doublé d'un grand frère, d'un ami, et peut-être d'un amant. Elle aime quand il la dévisage de ses grands yeux bruns, et sa façon de la frôler pour regarder par-dessus son épaule si la taille des champignons convient. si les artichauts et les pommes de terre sont correctement tournées. Elle sent son odeur d'homme qui la trouble l'espace d'une minute, tandis que le couteau d'office poursuit son ouvrage. Les légumes sont ciselés, de la dentelle entre ses doigts qui ne tremble pas, même sous les mois. Parfois, il pose sa main sur la sienne pour guider un mouvement, une découpe. Tu vois, tu longes l'os, ici, et tu poursuis autour de l'articulation, tu dégages les nerfs, tu libères la chair. Les explications du jeune homme se teintent d'érotisme. La volaille suintante se pare d'attraits inattendus. Elle devient une texture lisse et douce que l'on se plaît à caresser, avec une volupté fantasmée, seulement parce que lui l'a touchée. La voix de Benoît lui semble plus veloutée, le timbre en est changé. L'oreille d'Emma frémit et sa gorge se serre un peu. Elle sent le souffle court et chaud sur sa nuque. Il poursuit ses indications, l'ongle lisse désignant une jointure. L'ivoire surmontant la phalange brille d'un éclat étrange qui la rend toute chose. Elle se prend à imaginer, caressant sa peau, cet ongle glissant sur sa joue dans un geste lent. Les mains de Benoît s'imposent de plus en plus souvent à son esprit, longues et charnues, solides, puissantes. Elle en rêve même, posée sur son corps, la pétrissant comme la pâte qu'il ramène à lui, qu'il emprisonne, qu'il malaxe quand par plaisir il passe sur le poste pâtisserie. Elle se sent alors aussi fluide que le lait, aussi onctueuse que le beurre, fondante et coulante. Il occupe un peu plus chaque jour ses pensées. Les regards se croisent, fugacement. Tout est prétexte. « On envoie. Vérifiez vos assiettes. Un canard et deux pigeons pour la 12. » On n'est pas supposé lever le nez aux injonctions du chef. Il faut rester collé à son plan de travail, pas être le visage au vent. Et pourtant, elle dessine dans le riz à faire revenir en température des signes cabalistiques, des incantations runiques, des dessins d'enfants. Elle imagine au milieu des crevettes à décortiquer des doigts d'amant qui galopent sur son poignet. Les tentacules de poulpe sont autant de bras délicieusement gluants, ponctuant sa peau de coulées d'encre, et les poissons la regardent d'un œil énamouré. Elle laisse vivre dans ses fantasmagories tout un bestiaire marin et carné qui lui rappelle Benoît. Tout ce qui l'entoure en cuisine est un souvenir, une empreinte, une trace la liant au jeune homme. Même dos à lui, elle sent sa présence et son regard. Elle en est émoustillée, mais loin de la perturber, ses élucubrations la stimulent, la galvanisent. Elle travaille encore plus vite et mieux. Elle ne fait pas que tailler et trancher. Elle donne un supplément d'âme à ses végétaux qu'elle prépare, avec une attention particulière concernant ceux qui vont aux viandes, puisque c'est lui qui les cuisinera ensuite. Depuis plusieurs jours, il est encore plus présent, proche et attentionné aux petits soins. Plusieurs fois déjà, il lui a proposé de boire un verre ou de la raccompagner à moto. Elle a décliné sans trop savoir pourquoi. Une gêne injustifiée du bon vieux, ne pas mélanger travail et plaisir. Ce jour-là, elle en a décidé autrement. Un déclic s'est déclenché. S'il lui demande, elle dira oui. La plongée terminée, l'armée des spatules et des écumoires, des casseroles et des marmites a rejoint son emplacement. Chacun essuie son poste de travail, range ses ustensiles de cuisine dans un silence de cathédrale. Il est minuit et demi, le service a terminé plus tôt que d'habitude. La salle est vide. Le personnel quitte peu à peu le restaurant et la brigade se disloque. C'est Benoît qui fait la fermeture ce soir. Emma détache ses cheveux, ferme les yeux et respire un grand coup. Il s'approche d'elle, à la toucher, et propose de la raccompagner. Elle sourit et acquiesce. Il lui tend son casque de motard. « Tiens, je n'en ai qu'un, il est pour toi. » Il enfourche la petite cylindrée et la jeune femme se colle à lui en frissonnant. Elle éprouve un mélange d'appréhension, d'excitation, une fébrilité de fillette mêlée à ses désirs de femme. Il emprunte le boulevard et met plein gaz. Le moteur qui s'allume vibre dans l'entrejambe d'Emma. L'accélération enfle dans ses reins et ses cuisses se pressent autour de celles de son pilote. La tiédeur humide de la ville, les néons étoilés derrière la visière fumée, le vent qui se faufile dans son corsage, la chaleur de l'homme contre elle, tout lui semble un avant-goût de paradis. L'air embaume de promesses de plaisir et de bonheur. Elle croit, non, elle en est sûre. Il va monter avec elle ce soir, dans son petit studio. Il va lui faire l'amour, elle en a la certitude. Il est une évidence dans sa vie après à peine un mois. Sans s'en rendre compte, elle appuie son pubis plus fort contre lui. Benoît s'est rendu compte de cette pression délicate mais nette. Il ressent dans son dos la douceur et la violence mêlées, ce sentiment d'urgence partagée. Il sait la peau qui se graine à son contact et la lueur qui brouille la pupille grise d'Emma quand elle se perd en lui. Ce soir est le soir. Elle se laissera aimer. Après la vitesse de l'engin, la course lente et muette dans l'escalier est le plus doux des préliminaires. Elle tait sa passion encore un peu, la cache dans le casque qu'elle a gardé par pudeur. Elle finit par l'enlever sans s'arrêter de grimper. Les battements de son cœur explosent alors dans son visage désincarcéré. Lui la suit, marche à marche, les yeux rivés sur ses fesses, son dos, ses cheveux qui coulent sur ses omoplates. Sa main se tend malgré lui vers le jean qui la moule, mais il n'ose pas encore la toucher. Il se réserve pour leur intimité. Il veut donner à ce geste une puissance et un sens qu'il craint déplacer dans cet espace vide. Il veut la volupté des courbes, la chaleur de l'épiderme, les tremblements et le souffle. Il aime avoir à patienter encore quelques étages, à emprisonner son désir dans cette cage d'escalier. La latence, le silence, l'atmosphère se chargent de cette densité palpable que portent en eux les jeunes gens. Ils en ralentissent même leur montée, étirent le temps dans d'ultimes secondes chargées de fièvre. Le palier est déjà là, sous leurs pas. Elle entre la clé dans la serrure. Ils frissonnent tous deux au son du métal qui frotte dans le barillet. La porte se referme derrière eux. Alors seulement elle se retourne vers lui, accrochée à son regard de peur de tomber. Elle vacille pourtant. Il happe ses lèvres pour la retenir. Un baiser de cinéma qui donne le tournis, qui dure longtemps, longtemps. Les lèvres ne savent pas que les mains fouillent déjà et dévêtent. Le corsage glisse sur les épaules à la naissance des seins. L'ongle nacré de Benoît, taillé court, patine le sillon qui départage deux petites sphères aux pointes timides. Il lisse, là où la peau se picote de grains à picorer. La langue se déplace à la verticale, jusqu'au milieu du ventre, qui fait des creux et des vagues. Elle saisit au passage les fruits offerts qui se tendent sous la caresse. Les doigts dégrafent et déboutonnent, s'aventurent plus bas, découvrent le liseré de coton côtoyant le jean. C'est comme un second ventre de tissu sous le nombril. L'étoffe s'enroule et dévoile l'irisé translucide et un peu bleuté sous la lumière pâle. Benoît tire sur la double épaisseur jusqu'aux pieds encore chaussés. Il ôte les bottines et se débarrasse de l'enchevêtrement qui se gondole par terre. Il redresse la tête et reçoit un coup au cœur devant le triangle mousseux. La toison ourle de mystère ce sexe de jeune fille, encore discret, toujours fermé, que les cuisses compriment de nervosité. La beauté de la vision lui donne envie de la prendre dans la minute. Il retient toutefois son impétuosité, pose sa bouche sur les pieds et ponctue de baisers sa remontée vers les cuisses. De léger, frôlant à peine la peau, ils deviennent plus appuyés et humides à mesure qu'ils progressent vers la source de ses vœux. Emma tressaille, elle se sent défaillir et prend appui sur ses épaules. Insensiblement, Ses jambes s'écartent légèrement, livrant à la bouche de l'amant sa vulve impatiente. Elle voudrait lui demander, mais ses mots restent figés dans sa gorge. La phrase non dite, il l'a pourtant entendue, car c'est tout son corps qui parle à sa place, et son sexe chuchote dans un bruissement de peau et d'eau. Il agrippe ses mains à ses hanches, la visse au sol, elle flanche mais se cramponne à sa tête, la soie de ses cheveux sous sa paume. La langue surgit, et se pose comme une aile sur le renflement bombé, juste sous les boucles brunes. Elle chatouille la pointe du triangle, dans une géométrie naissante qui se métamorphose peu à peu. Un X se dessine, furieusement obscène, autour des chairs dénudées, défroissées sous la pelisse que la langue contourne puis fouisse à la recherche d'une narine cachée. Les dents l'ont trouvée la première et l'agace. À force de salive, elle est polie, moirée, luisante à briller sous la lune. Il fait trembler et gémir Emma. La bonne voie. Le chemin à suivre, se dit-il. Benoît continue. Lèche et suce, jusqu'à la jouissance qui l'a fait resserrer ses griffes dans sa chevelure. Il la boit, puis se redresse et l'enlace, son désir intact. Elle se pend à son cou encore flageolante, yeux mi-clos, un sourire au bord des lèvres. L'abandon lui donne une couleur autre, une carnation plus soutenue qui souligne les traits de son visage. Elle le guide à son canapé qu'elle déplie, s'y allonge en odalisque, encore en proie aux langueurs de vagues qui errent dans son ventre. Elle écarte d'elle-même ses jambes, y attirant Benoît et s'emparant de lui. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de vous dévoiler toute cette nouvelle de Perle Valence. Mais voilà, cette nouvelle, c'était la deuxième nouvelle de son recueil de nouvelles qui s'appelle donc « Fin », qui est publié aux éditions Christophe Chaumont, et qui décline toutes les thématiques du sexe, de la sexualité, et soit de la cuisine, soit de la nourriture, de la gourmandise. Il y a trois nouvelles, donc la première qui s'appelle, je ne connais pas les titres, L'inconnu de la chambre des amours, où là, ben, c'est un jeune homme qui vient d'être embauché dans une pâtisserie et qui rencontre une femme plus âgée que lui. Je vous en dis pas plus, mais voilà, c'est dans la chambre des amours, voilà. Là, il y a La femme chocolat, donc avec Emma qui bosse en cuisine. Et la troisième nouvelle s'appelle Knife to Knife, saison 1. Et alors ça, c'est rigolo, c'est une nouvelle que Perle Valence a écrite pendant un prix de la nouvelle érotique. En fait, peut-être si vous suivez assidûment les lectures érotiques de Charlie, vous connaissez déjà Perle Valence, puisque j'avais lu sa nouvelle lauréate du prix de la nouvelle érotique de je sais plus quelle année, 2022 je crois, qui s'appelait Touché à la hache. Elle avait donc remporté le prix de la nouvelle érotique. Et là, bah, elle n'avait pas été lauréate sur cette nouvelle, mais elle avait participé à un prix de la nouvelle érotique, à un autre, quoi, une autre édition. Et du coup, la dernière nouvelle, Knife to Knife, a été écrite pendant le prix de la nouvelle érotique. Donc ça veut dire que c'est une nouvelle qui a été écrite en 8 heures de nuit avec un thème imposé et un mot final imposé. Je trouve que La femme chocolat est des trois nouvelles, celle qui arrive le plus sensuellement et littérairement parlant à mêler cuisine et érotisme, puisque d'un coup, dans l'extrait que je vous ai lu, on le sent aussi, la cuisine elle-même devient érotique quand elle fantasme sur les poulpes, les textures, les saveurs. Je trouve qu'il y a des parallèles qui peuvent se faire qui sont plutôt sympas, quoi. Si vous voulez en savoir plus sur Perle Valence, si vous voulez vous offrir son recueil de nouvelles, et puis elle a aussi d'autres publications, je vais vous mettre le lien sur l'article qui présente cette lecture vers le site de Perle, comme ça vous avez tous les liens, toutes les infos. Perle Valence écrit, donc là c'est de la prose érotique, elle écrit aussi de la prose non érotique, de la poésie, elle fait de la photo. Bref, c'est tout un univers à découvrir. Le lien, c'est sur mon site charlie-liveshow.com. Sur le site qui présente, où vous trouverez l'article qui présente cette lecture. Non seulement vous aurez tous les liens vers le site de Perle Valence, vers les éditions Christophe Chaumont, mais vous aurez aussi un lien vers mon Patreon si vous voulez soutenir les lectures érotiques de Charlie, si vous aimez ce podcast et que vous avez envie qu'il y en ait encore pendant longtemps et peut-être même encore plus, eh ben le seul moyen de le dire, de le faire, c'est de me soutenir par Patreon. Donc n'hésitez pas, patreon.com/charlieliveshow ou alors par mon site charlie-liveshow.com sur tous les articles, il y a un lien vers mon Patreon, parce que c'est quand même le meilleur moyen de prouver qu'on apprécie ce qu'on écoute et puis qu'on a envie d'aider le créateur à continuer. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur Patreon, vous avez régulièrement des surprises, des exclusivités et toutes les lectures sont en avant-première. Si vous ne voulez pas venir sur Patreon, sachez que un très bon moyen aussi d'aider un podcast ou un contenu qu'on aime, c'est de le partager. Alors oui, c'est érotique. Et alors, il n'y a pas de honte quand même, c'est de la littérature déjà. Il n'y a aucune honte à dire « Hey, tu sais quoi, moi je connais ce podcast de lecture érotique, n'hésite pas ». Alors forcément, on ne va pas forcément le dire à son patron selon les relations qu'on a avec lui, mais à ses potes, pourquoi pas en fait. Écouter de la littérature, lire de la littérature érotique, écouter un podcast de littérature érotique ne fait pas de nous des pervers. Ou alors, si ne pas être pervers, c'est ne jamais s'intéresser à l'érotisme, c'est ne pas avoir de sexualité, c'est ne pas lire de littérature érotique et c'est ne rien faire qui sont en rapport avec la moindre chose qui est liée à l'érotisme ou à la sexualité, très franchement, je préfère être perverse que non perverse, parce que ça serait d'un ennui mortel quand même. Écoutez, cette lecture touche à sa fin. Il n'y aura qu'un épisode autour de ce recueil de nouvelles de Perle Valens, parce que comme il n'y a que trois nouvelles dedans, j'ai pas envie de vous déflorer, j'ai pas envie de tout vous livrer. Le but, c'est que vous ayez aussi envie. Donc si vous en voulez plus, allez vous offrir son bouquin. C'est le meilleur moyen d'en avoir plus. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast érotique. Là j'ai des romans érotiques qui m'attendent à lire et j'ai aussi reçu un bouquin qui n'est pas un roman ou une nouvelle érotique mais qui tourne autour de la sexualité puisque c'est un manuel de sexualité ludique qui est écrit notamment par Axel de Sade. J'ai pas en tête le nom des autres auteurs et autrices, j'en suis navrée, vous le saurez quand je ferai un podcast là-dessus. Le bouquin s'appelle Kink, ça a l'air très bien foutu, ça a l'air passionnant, j'ai hâte de vous en dire plus. Bien écoutez, c'est terminé, donc vous pouvez reprendre une activité normale. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures érotiques, évidemment. Ciao, ciao, ciao.